Please, John. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Galère. Nouvel épisode ce soir de Débattons d'Anguirou avec en studio les deux amis, les deux compères, Dr Lehmann et Coach Luc. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir mon cher Manuel, ravi de vous retrouver ce soir en compagnie donc du Coach Luc que je salue aussi. Bonsoir coach. Oui, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Manuel, bonsoir docteur, j'espère que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes qui est ici en ce moment, maintenant. Et oui, on se pose la question légitimement de savoir si tout va aller mieux pour cette émission puisque c'est une émission plutôt expérimentale. On va, pour la première fois peut-être, s'atteler à parler de deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et quoique, on va se lancer peut-être, on verra si le cœur nous en dit par la suite pour les prochains sommaires de Débattons d'Anguirou. On va se lancer sur une émission un peu régionaliste. Voilà, dernièrement, fin d'année 2015, se sont passés quelques événements électoraux qui nous ont peut-être mis la puce à l'oreille pour ça. Et pour commencer le tour de France des régions, de nos belles régions, nous allons commencer par la région Franche-Comté, que je découvre moi-même. Je ne savais pas qu'elle existait et je suis bien content de l'apprendre. Et pourquoi, premièrement, cette région ? Puisque le coach Luc, l'adoré coach Luc, est issu de cette très belle région que vous nous présentez en deux mots, coach, peut-être ? Oui, donc je suis donc un issu de l'immigration franc-comtoise qui est venu s'échouer à Marseille. Donc c'est une région composée de quatre départements que sont la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et le territoire de Belfort. Le territoire de Belfort étant un tout petit territoire. La capitale, on pourrait l'appeler comme ça, c'est cette belle ville de Besançon avec ses fortifications et son usine de montres LIP et MATI. Et voilà. Nous allons donc aussi évidemment parler de l'aspect footballistique de cette belle région qui est concentrée finalement sur cette équipe de FC Sochaux-Montbéliard. Alors concentrée, nous le verrons bien puisqu'on va s'apercevoir tout au long de cette émission que le football est bien présent dans cette région Franche-Comté. Et le deuxième sujet, mon cher docteur, que nous allons ce soir, on va dire, explorer, c'est le football de table en général et le baby-foot en particulier. Et il y a un lien entre baby-foot et Franche-Comté. Il y a un lien. Ce lien, je l'ai découvert pas plus tard qu'il y a deux semaines en compagnie d'un certain Redouane. Vous vous souvenez peut-être de Redouane, qu'on surnommait Il Magnifico. Non, nos auditrices s'en souviennent parfaitement, je crois. Bien sûr. Redouane, donc, avait, durant un temps, animé les directs des Bâtons d'Anguirou. Lors d'une rencontre avec Redouane, je me suis aperçu que Redouane était un excellent pratiquant, ou même voire praticien, de football de table, dit baby-foot. Par la même occasion, j'apprenais que Coach Luc était un excellent praticien de baby-foot. Et par la même occasion, je constatais que la Franche-Comté, qui n'est plus une région depuis une semaine, mais même l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, cette nouvelle région, ne comportait aucun club de Ligue 1. C'est la seule région française. Donc, je me suis posé la question, est-ce que la Franche-Comté n'aurait pas tourné le dos à son glorieux passé footballistique pour se tourner essentiellement vers le baby-foot ? D'où l'idée de faire un lien entre ces deux éléments qui paraissent pour le peu faiblement reliés. Alors, la Franche-Comté, comme vous l'avez dit, Coach Luc, c'est en plus de ça le FC Sochaux-Montbéliard, un club de foot au passé glorieux, aujourd'hui représentant, digne représentant de la Ligue 2. Il se trouve que ce soir, le FC Metz accueille le FC Sochaux-Montbéliard. Nous en sommes à la 55e minute. Le score pour l'instant est de 0-0. Sachez quand même, chères auditrices, chers auditeurs, que le FC Metz est pour l'instant réduit à 10. Je dis pour l'instant parce que ça peut empirer, mais ça ne peut pas s'améliorer. Donc a priori, Sochaux a un petit avantage, quoique jouant à l'extérieur. Comment ça se passe, coach, pour le FC Sochaux-Montbéliard cette saison? Je crois que ça fait déjà deux, c'est la deuxième saison d'affilée hein, qu'ils jouent en Ligue 2, c'est, oui, c'est bien ça? Oui, c'est leur deuxième saison en Ligue 2. Donc cette année, ça se passe particulièrement mal. Hein, ils ont fait un début de championnat catastrophique qui leur a valu de prendre seulement 2 points sur les 7 premiers matchs, qui a fini par avoir raison de l'entraîneur, hein, qui s'appelait Chouafni, et qui a été remplacé par Albert Caltier, donc, qui était l'ancien coach de Metz, quand Metz était lui aussi en Ligue 1. Donc voilà, cette année, Sochaux a de grandes difficultés. Ils sont actuellement 17e avec 19 points. Mais par contre, s'ils gagnent ce soir, je crois quand même qu'ils prennent quelques places au niveau du classement. Ils remontent probablement à la 14e ou la 15e place. En tout cas, ils ont affaire à un adversaire plutôt coriace. Je crois que le SMS, lui, a plutôt bien réussi son début de saison. Est-ce que c'est un derby, Metz-Sochaux? C'est pas très très éloigné géographiquement, me semble-t-il. Enfin, c'est pas vraiment un derby, puisque ces deux clubs ne sont quand même pas dans la même région. Mais par contre, on pourrait considérer que c'est un post-industrico, c'est-à-dire deux régions post-industrielles un peu quand même un peu saccagées, un peu sinistrées par cette histoire-là qui finalement s'affronte. Hein, c'est le prolico, ou peut-être qu'on pourrait l'appeler comme ça. Oui, c'est vrai que si on s'attarde un petit peu sur les équipes de Ligue 2, et on le constatera tout à l'heure lors d'une brève cartographie en fait des effectifs, on s'aperçoit que les équipes du Grand Est sont extrêmement représentées. Voilà, c'est assez intéressant de voir que soit Nancy, Dijon, finalement Metz, Auxerre, tout ça est passé en Ligue 2. Et il n'y a quasiment plus une seule équipe en Ligue 1, à part le glorieux Stade de Reims et Troyes. Finalement, les deux villes champenoises, donc, elles ne sont pas des villes industrielles, hormis Reims qui peut être industrielle, mais bon, des villes qui sont dopées par le champagne. Et ça, c'est assez intéressant à souligner, mais j'approfondirai l'affaire un petit peu plus tard. Alors avant de nous attaquer, je tiens quand même à donner une petite précision, c'est que le FC Sochaux donc, est le club qui a passé le plus d'années en Ligue 1, c'est-à-dire dans l'élite, avec 66 années de Ligue 1 en 87 ans d'existence, ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est mieux que l'OM, que le club de la capitale et d'autres. Voilà. 66 années en tout, hein, c'est pas une série oui. D'affilée. Non, d'accord, il y a eu quelques allers-retours avec la belle Ligue 2. Mais avant de nous attaquer à ces deux sujets qui vont nous passionner ce soir, le football de table et la région Franche-Comté, actualité footballistique oblige, il y avait ce soir une élection, Alors excusez-moi, chers auditeurs, je suis un petit peu déconcentré par l'ami coach qui, d'habitude, vous le savez bien, il a pour habitude, pardon, de se saisir de quelques mets culinaires pendant l'émission. Et ce soir, il a amené, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard, quelques spécialités régionales de Franche-Comté. On est bien content. Le studio embaume le fumé. Pour l'instant, on ne peut dire que ça. Et c'est bien heureux pour vous, cher docteur, que d'autres spécialités Franche-Comté ne soient pas plus représentées dans le studio. Oui, ça c'est sûr que ça m'évite quelques difficultés olfactives. On sait que j'ai quand même la narine assez sensible. Alors, actualité footballistique oblige, disais-je. Il y avait ce soir une élection dont beaucoup n'ont pas grand-chose à foutre, mais on a décidé quand même d'en parler ce soir dans Des bâtons d'Anguirou, c'est l'élection du Ballon d'Or. Alors, visiblement, si vous voulez, je vous donne le résultat, chers amis, puisque je l'ai sous les yeux. Pour la 5e fois de sa carrière, Lionel Messi, dit Léo Messi, le joueur argentin du FC Barcelone, est sacré Ballon d'Or. 41,33% des voix devant Cristiano Ronaldo, le portugais du Real Madrid, 27,76% des voix, et Neymar, brésilien du Barça, lui aussi. Troisième avec 7%, 7,86%. Alors, est-ce qu'on a un commentaire à faire sur cette actualité ? Oui, moi, j'ai pas énormément de commentaires à faire, à part que Messi, effectivement, est un bon joueur, et on est content pour lui qu'il ait le ballon d'or, mais bon, au final, ça n'a en réalité aucun intérêt. Voilà, donc c'est juste, j'avais juste ce petit commentaire à faire. Voilà. Oui, moi, personnellement, je l'aurais remis à Sepp Blatter, qui, je pense, quand même, est le footballeur de l'année. Eh bien, il a quand même un rival important au niveau européen. Donc, c'est vrai que le Ballon d'Or, je crois, est consacré uniquement aux footballeurs évoluant dans les clubs européens. N'est-ce pas, Manuel ? C'est tout à fait ça. Il y a même encore quelques années, ce n'était que des footballeurs européens qui pouvaient prétendre au trophée. Je ne sais pas quel est le premier footballeur non européen, mais évoluant tout de même dans un championnat européen qui l'a eu, sans doute un Brésilien, peut-être Ronaldo, ou peut-être c'est encore un peu plus ancien. Mais par exemple, des joueurs comme Maradona n'ont jamais pu prétendre à ce trophée. Ben, malgré tout, enfin, moi je pense que justement c'est pour ça que le choix de Sepp Blatter s'impose, c'est que c'est quand même quelqu'un qui sait généralement peu embarrasser les règles et les règlements. Et donc, ça le rend de fait éligible, même vainqueur, hein, sans conteste, je pense. Alors, il faut préciser quand même que l'élection du Ballon d'Or ne se fait pas par le grand public, ni par un système démocratique quel qu'il soit, mais se fait par les journalistes, n'est-ce pas, mon cher Manuel ? Pas seulement, mon cher docteur. Les journalistes ont une part de vote, effectivement. Alors, je crois qu'un certain nombre de journalistes par pays représentent leur pays, un certain nombre de rédactions donc représentent leur pays et attribuent quelques voix, mais il y a aussi les sélectionneurs des équipes européennes, ainsi que les capitaines des sélections qui votent. Voilà. Et historiquement, n'est-ce pas notre un peu moins glorieux confrère France Football qui avait organisé donc cette élection? Je crois me souvenir de cela, Manuel. C'est tout à fait France Football qui est à l'origine de l'élection du Ballon d'Or. On l'a appelé par le passé le Ballon d'Or France Football. Aujourd'hui, c'est la FIFA, hein, ou l'UEFA plutôt, je ne sais pas exactement quelle instance, qui s'est emparée de ce trophée pour le bonheur des petits et des grands. À Sochaux, j'allais dire à Sochaux, non, c'est à Metz, au stade Saint-Symphorien, que ça se passe toujours 0-0. L'arbitre, M. Anthony Gauthier, n'a pour l'instant pas équilibré les débats en expulsant un Sochalien. Il y a un carton jaune pour Sochaux, mais voilà, toujours 0-0. Apparemment, d'après ce que je vois sur mon écran de contrôle, les Sochaliens ont mis le pied sur le ballon, mais ils ne parviennent pas du tout à profiter de leur supériorité numérique. Peut-être un manque de confiance hein, dans cette équipe sochalienne. Alors le coach est en train justement de profiter de cette légère pause dans ce match trépidant pour couper, pour détailler cette fameuse saucisse de Montbéliard qu'il nous a gentiment apporté ce soir, puisqu'il s'agit un petit peu du fil rouge de cette soirée, l'occasion de fumer la saucisse. Coach, vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces spécialités culinaires qui ont fait la gloire de votre région natale? Bon, évidemment, des spécialités essentiellement de fromage, puisque finalement, la grande vedette hein, de la région, c'est la vache Montbéliarde, hein, qui nous donne à la fois du fromage, et, comme le Mont d'Or, le Comté, hein, évidemment, la Franche-Comté, et la Cancoyette, hein, pour les plus endurcis. Et aussi, également, on y trouve de nombreuses cochonailles fumées, que sont notamment les deux vedettes, hein, que sont la saucisse de Montbéliard et la saucisse de Morteau. La Morteau, le Jésus de Morteau. Voilà. Alors, j'allais vous interroger là-dessus, d'ailleurs, coach, si vous me permettez, mon cher docteur. J'ai lu, moi, en me renseignant et en préparant assidûment cette émission, qu'il existait un derby de la saucisse. Un derby footballistique, mais qui aurait pu voir s'affronter les équipes de Strasbourg et de Toulouse. Il me semble que c'est peut-être un peu un derby usurpé, d'abord parce que le terme derby, normalement, a une vocation plus régionaliste. Et est-ce que, à votre connaissance, il existe un derby de la saucisse entre Montbéliard et Morteau? Et si ça n'existe pas, est-ce que le dispositif des bâtons d'Anguirou ne devrait pas se faire comme mission de l'organiser? Je pense que c'est une mission hein, que l'on peut s'organiser, puisque finalement, Montbéliard, la société de Montbéliard, c'est ce show, et ce show est morto, ne joue pas dans la même catégorie. Et je n'ai pas souvenir de rencontres qui puissent avoir lieu dans le cadre de la Coupe de France ou des choses comme ça. Bah, en tout cas, il y a effectivement le club du FC Sochaux-Montbéliard, mais il y a aussi le club de l'ASC Montbéliard, qui évolue en division inférieure. Et l'année dernière, l'ASC Montbéliard et le FC Morteau-Montbellon se sont rencontrés en championnat de Ligue régionale de Franche-Comté. Donc, est-ce que c'est appelé le derby de la saucisse? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une piste à explorer. Le saucissico. Le saucissico, tout à fait. Docteur, vous vouliez interroger le coach? J'ai une question plus proprement culinaire à poser à ce cher coach. J'ai quand même envie de lui poser cette question fatale. Quelle différence y a-t-il au-delà de leur apparence, mais peut-être pourrez-vous préciser sur l'apparence, entre la saucisse de Montbéliard et la saucisse de Morteau? Alors, il y a plusieurs différences. Déjà, les porcs sont quand même nourris avec des produits et des cultures régionales. Et en fait, Morteau et Montbéliard n'ont pas le même climat et donc n'ont pas tout à fait la même végétation. Morteau étant une ville qui est beaucoup plus froide et surtout beaucoup plus humide que ne l'est Montbéliard. La deuxième chose aussi, c'est pas tout à fait la même recette. La saucisse de Morteau est hachée plus fine. Elle est aussi beaucoup plus épaisse. Donc elle a un temps de cuisson qui est nettement supérieur. Et le goût de fumée est quand même beaucoup moins prononcé que dans la véritable saucisse de Montbéliard. Où là, vraiment, on a l'impression qu'elle sort directement de la cheminée. Est-ce qu'il y a une différence de taille entre les deux? Une taille standard chez la Morteau, chez la Montbéliard? La Morteau est beaucoup plus épaisse. Deux fois plus large, en fait, en circonférence que ne l'est la Montbéliard. Mais pour un poids à peu près équivalent entre les deux? Pas du tout. Non, non, quand une Morteau, c'est pour plusieurs personnes. La Montbéliard est plus fine. Alors, une chose qu'il faut savoir hein, quand on cuit ces saucisses, c'est qu'il ne faut surtout pas les piquer. Il faut que l'intérieur cuise dans le jus. Voilà, c'est un petit conseil. Moi, j'ai une expérience pour avoir un jour cuisiné une saucisse lentille. Je n'avais effectivement pas piqué ma Montbéliard. Mais alors, en voulant la découper, une sorte de geyser de jus qui sautait, pétait à la gueule. La saucisse saigne. Ouais, et j'ai un polo qui en témoigne encore, hein, parce que c'est très très difficile à rattraper du jus de Montbéliard sur un polo. Voilà, voilà. Eh bien, c'est un bizutage très très honorable, en tout cas. Sachant que vous avez aussi la Morteau au comté, qui, lorsque vous la tranchez, vous voyez couler du comté fondu qui donne finalement qui est une expérience assez particulière. Alors pendant que Sochaux et Metz s'étrient sur le terrain sur la pelouse de Saint-Symphorien, à Metz il y a aussi, il faut le signaler à nos auditeurs, le CA de Radio Galère qui se déroule en ce moment même derrière nous. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on puisse signaler vraiment de grandes décisions prises. Voilà, ça a l'air plutôt calme. Plutôt moins animé que d'habitude, mais peut-être justement de grandes résolutions seront prises pour cette année 2016. Y aura-t-il un ballon d'or Radio Galère? Je l'espère, coach. Peut-être encore une mission pour le dispositif des bâtons d'Anguirou. Des bâtons d'Anguirou, football, Franche-Comté et baby-foot, ça continue avec la cartographie de la Ligue 2 au prisme de nouvelles régions. À vous, cher docteur. Oui. Donc effectivement, j'avais envie d'étudier un petit peu plus en profondeur cette cartographie, puisque en constatant finalement les affiches de la Ligue 2, je me suis aperçu que la carte, la répartition en tout cas, des clubs pensionnaires donc de cette division de football n'était pas du tout harmonieuse. Alors d'abord, on va parler un petit peu de la Ligue 1 et finalement, on va voir que les nouvelles régions qui sont apparues depuis une semaine nous montrent un équilibre beaucoup plus important puisqu'on a environ un, voire deux ou trois clubs par région. On en a un en Ile-de-France, je ne le citerai pas. On en a deux, voire trois en PACA, avec Marseille, Nice, éventuellement Monaco si l'on considère qu'il est en PACA. Quel est le club de l'Île-de-France, s'il vous plaît, docteur? Vous pouvez... je ne sais plus. Un acronyme qui correspond à pain sans gluten. Pardon, Manuel. Il me semblait qu'on avait aussi comme principe à des bâtons d'Anguirou de parler du club du Rocher. Le club du Rocher. Voilà, ah plutôt bah. Que de son nom officiel. Bien. En tout cas, voilà. Vous étiez au courant par le passé, mais c'est vrai que vous êtes absenté un certain nombre de temps. Bon, de très bien. Je n'étais pas au courant. On a une particularité avec trois clubs bretons, deux clubs dans les Pays de la Loire, deux clubs corses, deux dans le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, un en Aquitaine, deux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un en Normandie, un dans le Nord et deux dans la région qu'on va qualifier de Grand Est. La seule région où il n'y a pas de pensionnaires de D1, c'est étonnamment la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal interrogé. Donc d'une part, je me suis interrogé sur pourquoi il y a une répartition aussi bonne au final des grands clubs en France au niveau de la Ligue 1. Eh bien, c'est quand même extrêmement lié à des capitales régionales puissantes. C'est vrai qu'on voit que, par exemple, même une ville comme Toulouse, qui est dans un bassin où le football est peu pratiqué, arrive à maintenir une équipe de football, alors que c'est une équipe qui est absolument pitoyable, en fait, Toulouse, qui n'a pas de public, voilà. Mais finalement, les métropoles françaises ayant cette dynamique et cette puissance financière, elles arrivent à maintenir des clubs importants. D'où cette harmonie, au final, au niveau hexagonal, dans la répartition des clubs, avec cependant quelques éléments qui sont intéressants à souligner. C'est d'une part le fait qu'il y a des régions à forte, on va qualifier de forte identité éventuellement, comme la Bretagne ou la Corse, qui vont avoir plusieurs clubs. Parce que le football reste aussi un vecteur identitaire important, pas forcément un vecteur identitaire réel, mais plutôt fantasmé, au final, pour faire parler de soi. Et c'est vrai que les régions que sont la Bretagne ou la Corse, aiment bien finalement valoriser cet aspect-là en ayant une lisibilité, si ce n'est hexagonale, en tout cas européenne, ou éventuellement internationale, pourquoi pas. Alors, à l'inverse, en Ligue 2, il n'y a aucune harmonie, puisque quand on prend les régions, les nouvelles régions du Grand Est, du Nord, de l'Île-de-France, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a 13 clubs en Ligue 2. C'est-à-dire que dans le quart Nord-Est, au final, il y a 13 clubs de Ligue 2, c'est-à-dire près des deux tiers. 13 sur 20. C'est absolument énorme. Et c'est vrai que si on prend l'ancienne ligne industrielle qu'on qualifiait anciennement utilisée en géographie, la ligne Le Havre-Fos-sur-Mer, c'est-à-dire qui sépare une France industrielle à l'est, au nord-est, d'une France beaucoup plus rurale au sud-ouest. C'est celle qu'on appelle la diagonale du vide ? Alors non, la diagonale du vide, c'est pas celle-là. D'accord. La diagonale du vide, c'est celle qui va des Ardennes finalement au sud-ouest. D'accord. Mais c'est intéressant tout de même. On en parlera quand on fera le bilan de l'OM en fin d'année. Oui, ça va être intéressant aussi. Et donc, on s'aperçoit que finalement, dans cette surreprésentation des clubs du Sud-Est, il y a que 4 clubs qui ne sont pas finalement inclus dans cette diagonale. Donc, notamment des clubs qui viennent des Pays de la Loire ou alors des clubs qui viennent des nouvelles extrémités des régions. Puisqu'on a quand même comme paradoxe assez intéressant que Niort se trouve actuellement dans la région Aquitaine. Quand même, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, et donc représente le sud-ouest, effectivement, c'est assez particulier. Et Nîmes représente lui aussi le sud-ouest, dans le sens où c'est le seul club pensionnaire de Ligue 2 qui est situé dans la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Donc c'est assez intéressant de voir finalement qu'il y a une très très faible harmonie. Voilà. Donc est-ce qu'on pourrait éventuellement parler de syndrome Platini ? Qui touche cet Est mal aimé au final, qui perd en population, en emploi, en attractivité, qui est une espèce de victime expiatoire et puis qui se bat finalement en Ligue 2 pour exister. On le voit entre Metz et Sochaux, on voit ce match au final assez pitoyable avec 0-0, un carton rouge à Saint-Symphorien, voilà, ce qui nous permet quand même de nous nourrir de cette excellente saucisse de Montbéliard, et ça c'est un côté plutôt positif. Ceci dit, il y a une énorme occasion pour Metz à la 70e minute, hein, puisque sur un corner frappé de la gauche, l'ami Métanir a placé une belle grosse tête croisée qui est passée à quelques centimètres du poteau de Camara. Donc Metz a loupé, malgré son infériorité numérique, l'ouverture du score à la 70e minute. Il reste une grosse vingtaine de minutes dans ce match qui a pas l'air passionnant, mais en tout cas qui a vaut son pesant de cacahuètes. Moi, j'avais deux questions à vous poser, cher docteur, suite à vos explications. C'est la première, je me souviens, lors d'un comparatif entre l'Italie et la France, quand on avait eu un excellent invité, Fabien Archambault, qui voyait, lui, l'histoire de l'Italie à travers le prisme du football, il expliquait que, contrairement à la France, en Italie, il avait été depuis longtemps encouragé à ce qu'il y ait plusieurs clubs au sein d'une même ville, alors qu'à l'inverse, en France, depuis les débuts du professionnalisme, on avait plutôt encouragé à ce qu'il n'y ait qu'un seul vrai grand club de foot professionnel dans les grandes villes. Ce qui pourrait expliquer que ces grandes villes, qui sont en majorité les grandes villes françaises représentées au sein de la Ligue 1, soient sur l'ensemble du territoire, finalement. Bah, c'est vrai que c'est une donnée qui est très importante en France, de ce point de vue-là. Il y a aussi un nombre de villes, au final... le nombre de capitales régionales plus conséquentes, c'est aussi d'où l'espèce de resserrement avec ces 14 nouvelles régions. Et puis il y a des paradoxes, puisque les villes qui comptent plusieurs clubs dans ce qu'on va appeler l'élite, paradoxalement la première c'est Ajaccio, qui compte deux clubs, le Gazélec et la Ajaccio, mais qui va probablement descendre, enfin bon, qui est en tout cas mal placé. Et puis l'autre paradoxe, c'est cette capitale qui comporte dorénavant, enfin cette grande capitale, en tout cas la région Île-de-France, qui comporte désormais trois pensionnaires de Ligue 2. Ça, il faut le souligner, c'est assez important, puisque au-delà du Red Star qui est sixième du championnat actuellement, il y a aussi le Créteil et Lusitanos qui est 18e, qui est 16e du championnat, et le fameux PFC qui lui est 19e du championnat. Donc on a finalement une densité qui existe dans cette ville capitale de l'Hexagone, mais on n'a pas du tout au niveau de la Ligue 1 et des résultats l'existence de derby réel. Est-ce qu'on a fait le tour de cette question du régionalisme footballistique pour maintenant s'attacher de plus près à la région Poitou-Charente et au baby-foot ? Est-ce qu'on en a fait le tour, mon cher docteur ? La région Poitou-Charente et le baby-foot. Pardon, la région Franche-Comté, excusez-moi. Je me suis trompé, j'ai ripé. Vous êtes un peu en avance sans doute d'une émission. Oui, c'est possible. Je pense que je vois se dessiner une prochaine émission qui sera destiné aux auditeurs de Poitou-Charentes, probablement. Moi, je trouve que finalement, le coach nous a mis pas mal en haleine. Et je pense que ce serait intéressant de combler cette petite lacune de ce soir, c'est-à-dire l'absence de fromage, qui tient quand même à mes propres volontés, éventuellement par une évocation musicale qui pourrait permettre à nos auditeurs de découvrir un peu mieux l'étendue mais toute la culture franco-comtoise. Tout à fait, mon cher qui passe par la bouche, à la fois en termes de chansons et à la fois en termes de goût. Alors, coach, dans votre playlist régionale ce soir, Franche-Comté, vous nous proposez une première chanson, paroles et musique de Hubert Félix Thiéphaine, La Cancoyotte. Alors, on va l'écouter. C'est parti. Les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont le Panthéon, les Occitans ont Fos-sur-Mer et les Lorrains servent Schreiber. Les Alsaciens font des biscuits que l'on trouve aussi à Paris. À ces gens-là, on dit gaga, car ils n'ont pas ce que l'on a. La cancan, cancoyote, se teint mes bains franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'argouet. La cancan, cancoyote, ce n'est pas pour ces François, quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit nenni ma fouet. Mon gars, tu prends le méton que tu verses dans le caclon, avec de l'ail, avec du beurre, avec ton manche, avec ton cœur. Faut touiller ça c'est sûr, sinon ça devient de la confiture. La cancoyotte c'est tout un art et faut rien laisser au hasard. Et la cancan, cancoyotte, c'est un mets bains franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'argouet. La cancan, cancoyotte, ce n'est pas pour ces françois, tout en flottant la charlotte, on la mange avec les douets. Si avec Charlotte tu vas plus loin, mets de la cancoyotte sur le traversin. Je te jure mon pote, ce truc c'est dingue, ça te fout le vertige pour le bastringue. Mais va pas le dire aux étrangers, sinon ils viendraient nous la piquer. Alors fini la cancoyotte, on ne la trouverait que dans les sex shops. Et la cancan, cancoyotte, c'est un mets bains franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'argouet. La cancan, cancoyotte, ce n'est pas pour ces françois, tout en flottant la charlotte, on la mange avec les douets. La cancan, cancoyotte, ce n'est pas pour ces françois, quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit nenni ma fouet. Hubert Félix Thiéphaine, la Cancoyote, chanson franc-comtoise. Coach. Voilà, extrait de l'album Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir, qui date de 1978. Donc ce qui ne nous rajeunit pas, hein, Manuel. Mais non, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors, football de table et Franche-Comté, tels sont les deux sujets de cet épisode de Débattons dans Guérou, voilà, sur Radio Galère. Sachant que pour la Franche-Comté, hein, on se focalise surtout sur la table, mais la table en termes de nourriture, plus que oui, pour l'instant. Oui, tout à fait. Simplement, on va peut-être aussi parler du FC Sochaux-Montbéliard. Mon cher coach, vous connaissez bien la constitution de ce club. Et il apparaît que récemment, c'est un club qui avait une forte identité régionale. On l'a dit parce qu'il était la propriété de... Bah, il était la propriété du groupe PSA. Voilà, du groupe Peugeot... Peugeot-Citroën. Voilà. Et que depuis tout à fait récemment... depuis l'été dernier. Depuis l'été dernier, il a été vendu pour la modique somme, je crois, de... 6 millions d'euros à un groupe chinois. Voilà. Expliquez-nous tout ça, mon cher coach. Alors peut-être qu'en guise d'explication, je vais vous lire donc une petite croquine. Ah, très bien. Enfin, même une grosse croquine, hein, que j'ai écrite, qui finalement met un parallèle un petit peu entre l'ouvrier de chez Peugeot et le club du FC Sochaux, qui en fait sont deux histoires qui sont profondément liées jusqu'à l'été dernier. On vous écoute, mon cher coach. Sur le parking du stade Bonal, Renato repart seul sous la nuit froide. Ses doigts caressent les calandres des voitures, les lions chromés sur les capots renvoient l'éclat des lampadaires et brillent comme des couteaux. Tout sonne plus faux aujourd'hui, un peu plus métallique, un peu made in China. Le parking, le stade, la nuit et surtout le lion. Ce soir, une fois de plus, le Sochaux chinois s'est échoué contre Bourg-en-Bresse, creusant un peu plus dans la pelouse la tombe du club et définitivement celle de l'entraîneur Olivier Choifny. Wing Sangli, le nouveau propriétaire à 100%, son groupe, le fabricant de LED, donc d'éclairage, a acheté le football club Sochaux-Montbéliard au groupe PSA Peugeot Citroën, actionnaire historique du club. Donc Wing Sangli se présente sur la pelouse avec sa casquette Ledus, c'est le nom de sa société, et avec un polo de Sochaux sur le dos. Il est venu en fin de partie à la rencontre de la tribune Nord et s'est agenouillé devant les supporters pour leur demander pardon du naufrage de l'équipe. Cela grondait dans le virage tout autour de Renato, façon boat people à l'agonie. Mais Renato ne savait pas quoi crier à cet homme d'affaires qui a tout de l'imbécile heureux irresponsable. Le milliardaire a acheté le club pour une bouchée de pain, 6 millions d'euros, et il garantit le budget. Il n'a pas injecté les montagnes d'argent que tous ici attendaient pour envoyer le club sur orbite. Renato s'imaginait en août, l'hyper, elle y rejoue, pas grave, l'hyper, elle y rejoue à l'infini, il s'en fout, crédit illimité. Et rien de tout cela, aucune audace sportive, pas de mise en jeu, pas d'action, mais des actionnaires, rien que de la logique d'entreprise, rien que du petit commerce. Monsieur Lee a fait son marché, il s'est payé une danseuse, tout bêtement, pour capitaliser sur cette entrée afin d'augmenter ses parts de marché dans l'Hexagone, dans la vente de ses éclairages. Faire du foot, pour vendre de la lumière, voilà le business. Tout se passe après le match, en réalité, entre VIP économique et politique. Monsieur Lee au club, c'est juste un selfie de temps en temps avant de rentrer à Hong Kong, se plonger les fesses dans l'or. C'est pour cela que le voir à genoux ne signifie rien ce soir. Renato a pitié des joueurs, censés représenter la région à l'usine, qui évolue dans ce projet quantique-là. Pas étonnant qu'ils jouent comme des poulets décapités à qui on a arraché les pattes. Ça sent le sapin du Haut-Doubs. Et avec ses conneries, Monsieur Lee ne fait qu'attiser la convoitise des vautours qui ont senti la charogne. Être tout seul la nuit, sur ce parking qu'autrefois il voyait le midi depuis le réfectoire, cela le fait cogiter. Renato est à la retraite, un âge d'homme où on voyage à travers la mémoire, où toute chose nous renvoie fatalement à nous-mêmes. Renato était ouvrier chez Peugeot depuis toujours, littéralement toujours, car son père l'était avant lui, émigré économique venu spécialement depuis son désert en Italie du Sud. Renato a commencé à bosser la chaîne à l'âge de 16 ans, comme tant d'autres avant lui, vers la fin des années 70. Tout autour de lui, des collègues ayant dépassé la quarantaine, cristallisés sur leur poste comme seule carrière, OS au dos rond et aux jambes arquées par la répétition des gestes de carrossage, concassés par l'absence d'avancement et de perspective. Cette nouvelle équipe lui enseigna par la parole et les déformations de leur corps même les leçons de productivité indispensables et un instinct syndical de conservation. faisait encore partie de la famille Peugeot à l'époque. On passait sa vie à l'usine. Peugeot gérait le travail, les logements, les transports, les supermarchés, les centres de loisirs, comme celui où Renato fera la connaissance de sa future épouse lors d'un bal populaire payé par le comité d'entreprise. On disait à l'époque « Sochaux c'est Peugeot, Peugeot c'est Sochaux ». Et c'était vrai. L'usine de Sochaux comptait près de 40 000 employés. Les voitures étaient construites de A à Z sur le site. La plupart des pièces y étaient fabriquées, préparées avant d'être assemblées sur la chaîne de montage. C'était là que Renato entra dans l'histoire industrielle qui vira rapidos au poste industriel. Renato a assisté en deux décennies à l'explosion progressive d'une manufacture traditionnelle, atomisation impulsée par la dictature du marché qui devient de plus en plus virale et consumée de fièvre. Passage à la sous-traitance, dispersion des ateliers en petites usines d'équipementiers hyper spécialisés, épandage des ouvriers. Diviser le travail pour mieux régner, dit-on. Les vieux ouvriers, en fin de carrière, virent leur poste disparaître dans cette magie noire du capitalisme et revenaient de fait à la chaîne d'assemblage. Il s'agit à présent de se soumettre à la logique d'entreprise et de profit. Le paternalisme volait en éclats, mais restait fort dans l'inconscient collectif local. Et il l'est toujours. Il l'est toujours dans une mythologie présente encore aujourd'hui chez de nombreux jeunes de la région. Parce que les vaincus n'écrivent jamais l'histoire, c'est normal, c'est dans notre culture, personne ne rêve de la mort. De là à se dire que la lumière au fond du tunnel est celle des LED de Ledus et de Monsieur Lee, Renato ne sait pas quoi en penser. À partir des années 90, tous les ouvriers de la génération de Renato vivaient dans la peur qui étouffe les intestins, celle de ne pouvoir rembourser les crédits sur 30 ans garantis par un emploi à vie dans l'usine qui n'existe plus, celle de ne pouvoir laisser en héritage à leurs enfants cette usine familiale comme leur père l'ont fait avant eux, celle de n'être plus rien ni personne du jour au lendemain car ils n'ont jamais été autre chose qu'une vie de labeur d'ouvriers Peugeot standardisés, celle de voir se construire un monde en ruine dont ils seront les zombies. Les Trente Glorieuses ont offert une place au soleil à tous, la suite offre une place au cimetière social. Baby boom boom boom, personne n'était dans une logique d'héroïsme face au monde du travail. La génération de Renato n'a pas eu à se battre, elle ne l'a pas appris. Elle n'a jamais été à bonne école car l'école ne sert à rien au paradis. Cette insuffisance politique fait qu'elle ne saura pas résister à la machine à broyer les 68 arts. Les syndicats en place sauveront les meubles le plus longtemps qu'ils pourront, jusqu'à leur complète défaite et disparition idéologique, car eux-mêmes devenus des sous-traitants. Le père de Renato avait quitté à son époque la catastrophe italienne en venant travailler ici, émigré sans amour pour le lieu de sa chute, pour sauver sa famille. Renato ne savait pas s'il pourrait en faire autant, pour aller où, et qui voudra de lui. Renato n'a pas la culture de prostitution de la jeunesse d'aujourd'hui, il n'a jamais appris à se vendre. Or à présent, ils sont au cœur d'un système de compétition qui leur est inconnu, où ils sont tous mis dans une concurrence qui érode lentement mais sûrement toute solidarité. Et puis il aime ce qu'il appelle son pays, la terre de ses enfants. Ces mêmes années 90 marquent parallèlement la fin d'un âge d'or et l'avènement d'une longue période de doute au sein du FC Sochaux. La pression, la précarité, la violence de l'usine trouvent un étrange écho dans l'équipe. Renato va ensuite devenir un rouage du système, de la machine de guerre, comme le présente la direction. Si le constructeur sort ses griffes, c'est sur ses salariés que le gros matous les fait à présent. Renato s'était spécialisé jeune, rapidement à l'automatisation, dans l'entretien, le réglage, puis l'installation des machines-outils, qui foisonnaient dans tous les ateliers au début des années 80. Il assistera au tournant de la taylorisation des modes de production vers des programmes de construction et des économies d'échelle, ce qui remplace les ouvriers spécialisés par des bras mécaniques articulés. Au départ, cela semblait positif de retirer de la chaîne les emplois pénibles. Petit à petit, Renato se retrouvait à former à leur utilisation les techniciens qui ne feront que veiller à la mise en route et le suivi statistique des robots. Et Renato ne pouvait plus faire marche arrière, possédant encore un travail qu'une machine ne peut réaliser. Renato, pour rire de cette situation de chantage, disait qu'il contribuait à construire Terminator et qu'avec un peu de chance, il y a tout un paquet d'ouvriers spécialisés qui s'appelaient Sarah Connor et qui seraient en retraite avant d'être lui-même effacés. Depuis les années 2000, PSA fait le choix de donner des primes de départ importantes aux salariés à partir de 57 ans. La suite, jusqu'à l'âge de la retraite, l'État y pourvoira en leur payant le chômage. Ils seront remplacés à l'usine par des intérimaires, le travail temporaire, petit à petit, devient la part la plus importante de la main-d'œuvre à Sochaux. Dans le même temps, Peugeot se désinvestit progressivement du club de foot. La formation qui faisait la grande force périclite n'est plus soutenue. Les joueurs ne font plus que de courts passages de mercenaires au sein d'un club qui ne croit plus en sa maison. Le long terme disparaît, l'entreprise préférant sponsoriser le rugby du Stade Toulousain avec cet argent. Renato refusa cette rançon du travail. Il ne se voyait pas traîner en jogging à la maison. Survivre n'était pas une question d'argent, c'est aussi le sentiment existentialiste de servir à quelque chose. En échange, il sera envoyé en Chine pour y construire les nouvelles usines qui orchestrent la destruction des derniers emplois fixes à ce show. Les messieurs gros sous, comme peut l'être Wing Sang Lee, l'accueillirent à bras ouverts sans jamais aucun contact. Cela porte malheur là-bas de toucher un fossoyeur. Pendant des années, Renato s'interrogera sur la morale de ce job de lionceau maudit et solitaire. Le roi des animaux, se dit-il, celui qui engloutit une ville tout entière pour la chier à l'autre bout du monde. Et voici que maintenant la voiture de Renato traverse les cités de Montbéliard pour rejoindre la départementale qui l'amènera jusqu'au petit village où il s'est installé pour ses vieux jours. De 42 000 en 1980, l'usine compte aujourd'hui 10 000 salariés, chiffre fluctuant selon le flux tendu des commandes. Mais la population de ces grands ensembles n'a pas diminué. Elle se retrouve prisonnière d'une vie de merde, sans travail, sans avenir, avec RSA et enfants, des écoles de merde dans des quartiers merdiques. L'horizon est un mur que l'on tient à longueur de journée. Partir, soit, mais pour aller où? Et partir tout seul? Et de toute façon, on a appris à accepter le système. On vit de le renoncement depuis si longtemps, à baver devant des carottes. Religion et Peugeot se gargarisent de cette situation. Face à la peur de remettre en question son existence même, l'usine fait encore fantasmer. Mais il y avait aussi le FC Sochaux, ce joyeux historique de l'entreprise qui offrait son quota de sensations psychotropes, jaune et bleu, à la fois pute et mère. Le club, fondé en 1928 par deux salariés de chez Peugeot, pas vraiment des prolos de base, hein, puisque c'était Louis Maillard-Salin, directeur de la branche carrosserie, et Maurice Bailly, chef de service de la carrosserie aussi. Le premier étant président fondateur, le second capitaine et entraîneur. Donc le club, formé en 1928, est rapidement soutenu, puis détourné par le patron de l'époque, Jean-Pierre Peugeot, qui en fait un club pro pour l'élite, avec le même management familial que l'entreprise, avec des moyens qui pourraient faire penser un petit peu à celui du club de la capitale aujourd'hui. Par contre, c'est un tout autre son de cloche à la direction aujourd'hui. Le constructeur devenant un groupe mondialisé, Renato verra les membres de la famille Peugeot écartés les uns après les autres de la direction du groupe PSA. Le père de Renato lui parlait de l'époque de l'équipe de Sochaux amateur, de dans le temps, de ces joueurs qui avaient des emplois fictifs à l'usine, qui passaient de temps en temps sur les lieux de production pour rencontrer leurs collègues, pour créer un sentiment d'identification et de cohésion fort. Les patrons assumaient et reconnaissaient publiquement cette pratique de l'amateurisme marron depuis la création même du club. Renato discutait souvent avec ses beaux-frères, tous plus âgés, de la génération de son père. Il commentait des rencontres autour des carburateurs, engrenages et autres pôles d'échappement avec les vedettes dans les années 60. Les années de renaissance du club qui en ont fait un des plus en vue de l'élite fin 70, début 80. Renato, lui, n'a pas connu cette période dorée de la chaîne. Il pratiquait lui-même modestement en amateur dans le club d'une petite ville ouvrière, devenu avec les années un dortoir de l'usine en marge de l'agglomération. Mais Renato a côtoyé, non pas sur les bancs du terrain de foot, mais sur les bancs de l'usine, les pères de plusieurs joueurs prometteurs, comme Alain Fraud, Kamel Meriem ou Benoît Pedredi, qu'on appelait de fait des Peugeots. Mais cette famille recomposée là est partie sous d'autres tropiques moins amers. Et voici que maintenant, Renato gare sa voiture dans son allée, devant le garage de sa maisonnette en bordure de village. La pluie tombe depuis quelques minutes. Il laisse tourner le moteur de sa Renault Mégane. Il se laisse bercer par les explosions du moteur. Le football club de Sochaux-Montbéliard est dans la merde. Monsieur Lee se met à genoux devant les supporters et leur demande pardon du spectacle infligé par l'équipe. Monsieur Lee se fout de la gueule du monde. Monsieur Lee fait son show. Il ne fait que se mettre au niveau d'un club et de ses supporters à qui il ne reste plus grand-chose de leur passé aujourd'hui. Monsieur Lee fait son petit numéro de commerce devant sa clientèle. Monsieur Lee montre patte blanche et attend son heure pour virer le lion du maillot. Il oublie qu'il brise le cœur des amoureux. C'est la victoire de la hyène qui rachète le trône du roi des animaux. Putain de fable footballistique. Peugeot a rompu le contrat moral et social avec les supporters et le Sochalion. Peugeot a vendu ses bijoux de famille. Peugeot a bradé le club comme un vulgaire fonds de commerce, comme si c'était un simple esclave et non pas son propre enfant. Peugeot a jeté le bébé supporter avec l'eau du bain contre un 15 deniers Shintok, pris au kilo de viande de foot. Peugeot aurait dû avoir l'humanité et les couilles de mettre fin lui-même à cette histoire, de supprimer le club définitivement, d'étouffer Mémé avec un oreiller pour lui piquer ses économies. Ils ont préféré le vendre pour se faire cyniquement un peu de fric. Peugeot a d'ailleurs gommé toute trace du club dans son musée, le musée Peugeot à Montbéliard. Mais je dis Peugeot, je devrais dire PSA. En fait, le Peugeot franc-comtois dont je parle ne réjouit plus. Le lion est mort depuis bien longtemps. Ses cendres se sont dispersées partout dans le monde. Les actionnaires de PSA s'en font des lignes à sniffer en bourse. Une mutation logique, entend-on, qui inscrit l'histoire du club dans celle d'un monde actuel. celle d'une marchandise, celle d'une vulgaire bagnole d'occasion. Voilà ce que tu es devenu, FC Sochaux, une vieille caisse qu'on se refile comme une MST. Amputé de ses humanités, le club devrait changer de nom et assumer un nom commercial, comme le Dus FC, et rebaptiser le Stade Bonal en Stade Trottoir. Les choses seraient plus claires et on saurait ce qu'il nous reste à faire. Les supporters, eux, se sont fait fumer comme la saucisse. Mais les supporters ont-ils encore conscience de leur histoire ? Apparemment, pas tout le peuple de Bonal, puisque, passé le premier émoi, ils ne semblent pas se rendre compte qu'elle n'est plus là. Parfois, de forts traumatismes font perdre la mémoire. Résilience sans plomb dans toutes les bonnes stations-service. De la même manière que les ouvriers de Peugeot sont devenus des individus invisibles puis dématérialisés, les supporters ont suivi le même chemin. Mais peut-être continuent-ils de rêver de Peugeot, attendant son retour. Les héritiers Peugeot promettent d'ailleurs de revenir au Rennes quand M. Lee aura fait couler son beurre jusqu'aux îles Caïmans. Mais en attendant, qui es-tu, FC Sochaux ? FC Sochaux, es-tu là ? En attendant, M. Lee ne devrait pas se mettre à genoux. S'il était honnête et non un vulgaire guignol de riche, s'il était un vrai dragon, il devrait payer cash pour cela. Dans cette logique de fric et de petit commerce, les supporters et les lionceaux devraient être salariés pour venir rugir au match. Alors Renato, il se dit qu'il faudrait changer au stade, il faudrait chanter au stade pendant les matchs. Oli enculé ! Et Sochaux, saucisse, tes supporters sont là ! Et aussi boycotter PSA, Peugeot Citroën. Merci mon cher coach pour cette fort belle croquine. Une croquine de... On va dire qu'il serait plus de la taille d'une Montbéliard que d'une Morteau. Et inversement. Je me suis trompé. Alors, c'est une belle Morteau. Alors. Voilà, taille Jésus. Taille Jésus. Moi, j'avais une autre question à vous poser vite fait à rapport au FC Sochaux-Montbéliard. Dans les belles années de ce club, il y a eu une fameuse diaspora des pays de l'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Géographiquement, il y a eu de grands joueurs de yougoslaves. On pense à Farouk Hadžibegić, à Meša Bazdarević et autres. Est-ce que c'est une diaspora qui s'explique que ces joueurs aient réussi à Sochaux, mon cher coach ? En fait, je pense que c'est toujours la même histoire que celle de l'usine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une diaspora ouvrière qui est partie de Yougoslavie et qui est venue s'installer en France, notamment dans les grandes usines. Et notamment à l'usine Peugeot, où voilà, pendant quelques années, ces gens-là, donc les Yougoslaves se sont installés, ils ont fait leur place finalement à Montbéliard et dans l'usine, ils y sont restés, ils s'y sont intégrés, ils s'y sont plus. Et je pense que finalement, on a retrouvé un petit peu ça aussi à l'intérieur du club. Et les premiers footballeurs yougoslaves qui ont réussi ont finalement eux-mêmes ensuite créé un appel qui fait que d'autres joueurs sont venus et ont suivi leur exemple. Et sont venus aussi à leur invitation. Bah, je vous remercie, mon cher coach, pour cette réponse. Docteur, vous aviez quelque chose à rajouter ? Oui, non, mais c'est vrai que ça correspond aussi à des vagues migratoires qui sont assez importantes, puisque Sochaux est quand même dans le cœur industriel de l'Europe. Et c'est vrai que l'ex-Yougoslavie est un pays d'émigration. Donc c'est un petit peu normal aussi de retrouver tout un tas de populations issues de l'immigration dans ces clubs de l'Est de la France qui sont des territoires qui ont connu des mobilités internationales extrêmement fortes. Et c'est vrai que ce que racontait le coach Luke à travers sa croquine était évidemment une espèce d'histoire de la mondialisation entre Renato, bien sûr, et puis finalement pour finir par Lee. Quelque part c'est deux extrêmes mais c'est assez intéressant puisque ces deux extrêmes eh bien ils font le lien entre cette espèce de d'agiographie de Peugeot, cette agiographie d'un saint devenu finalement un rien. Et ça c'est assez terrible, quoi. C'est-à-dire que sur le dos le mythe finalement qui s'était créé par l'industrialisation est en train de s'effondrer totalement, et puis surtout c'est un mythe qui disparaît. C'est-à-dire que ça, c'est quand même assez phénoménal. C'est-à-dire que le capitalisme a réussi finalement à mettre un terme à l'histoire de Sochaux. Et c'est vrai qu'on verra à travers le résultat du match de ce soir que on est finalement peu confiant dans le destin de cet ancien club qui montrait finalement des valeurs qui sont assez intéressantes dans le football à son commencement, c'est-à-dire le fait d'être un sport populaire qui illustre finalement avant tout une population au travail. Et ça, c'était... Ça, c'était un petit peu triste. Oui, mais c'est aussi un peu le football à la papa, hein, oui. Avec l'entreprise paternaliste qui offre des emplois à ses joueurs de football, etc. Enfin, il y a aussi un peu cette construction-là. Ah, bien sûr. Mais qui se pratiquait dans beaucoup de clubs amateurs. Hein, c'est-à-dire que Peugeot, lui, n'a jamais caché justement ce qu'on appelle l'amateurisme marron. Mais dès le départ, hein, c'était assumé dès le départ. Une chose aussi, c'est que finalement, cette mutation assez violente, hein, du passage finalement sous couvert d'un entrepreneur chinois et d'argent de Chine fait probablement une des explications, hein, des mauvais résultats de cette année, qui sont d'autant plus intrigants que Sochaux a gagné quand même la Coupe Gambardella l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe de jeunes donc formés au club qui est extrêmement performante et douée. D'ailleurs, Albert Cartier, lui, contrairement à Échouafny, a fait le pari, hein, d'intégrer de nombreux joueurs de cette équipe qui a gagné la Gambardella. Donc il y en a quand même 9 qui ont rejoint le groupe professionnel. Or, il y en a 5 ce soir qui étaient sur la feuille de match, ce qui est quand même pas négligeable, hein, sur 16 joueurs. Et donc c'est le pari, voilà, tenté par Albert Cartier de repartir et de relancer finalement la formation à Sochaux, qui a fait pendant très longtemps un petit peu son fonds de commerce et qui faisait aussi son identité, c'est-à-dire le côté paternaliste de ce club, il s'exprimait aussi au travers de la formation. Alors, débattons d'Anguirou, spécial Franche-Comté et Babyfoot, foot de table. On va faire la transition avec vous, docteur, entre nos deux sujets. Et on va parler de jet foot. Qu'est-ce que le jet foot, mon cher docteur ? Ah là là là là, mon cher Manuel, mon cher coach. Vous croyiez, jusqu'il y a maintenant quelques secondes, ou dans quelques secondes, vous allez changer d'avis, vous croyiez pratiquer un sport accompli, un sport complet, en vous attablant à une table de baby-foot. Tout à fait. Eh bien, sachez bien que désormais, vous allez pouvoir trouver encore plus. Grâce à qui ? Grâce à la conjonction d'un industriel du bois, forcément, puisqu'on est en Franche-Comté, et d'un artiste contemporain, du fameux Pierre Duc, qui, tous les deux, proposent de nous faire une révolution du baby-foot à travers un baby-foot en 3 dimensions, avec des contrôles, des nouvelles possibilités. Je vous laisse écouter tout ça, mon cher Manuel, mon cher coach, et m'en dire des nouvelles. Ah, les parties de baby au bistrot du coin. Une institution. Le rendez-vous des potes histoire d'épater les copines. Mais exit le baby, voici le jet foot, qui pourrait bientôt équiper les foyers d'étudiants, les comités d'entreprise et les cafés de quartier. Ici, entre les mains de ses concepteurs, une caisse a priori classique avec cadre métallique et joueurs interchangeables. Alors, je change d'équipe en fait, parce qu'ils n'ont pas été bons, donc je vais prendre des remplaçants. Alors, les remplaçants, bah, ils sont là, c'est ceux-là, voilà. Pierre Duc, on le retrouve à quelques kilomètres de là dans son atelier. Peintre et sculpteur, il imagine le nouveau joueur de baby un jour de lumbago, du fil de fer tressé entre ses doigts pour modifier le concept un peu rigide du baby traditionnel. Il n'explorait pas, à mon sens, la dimension aérienne, quoi. La 3D, etc., quoi. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui se rapproche le plus possible d'un joueur de foot réel, quoi. Qui puisse à la fois dribbler, capter la balle, faire des lobes et se mettre la balle sur la tête aussi pour jouer de la tête également, quoi. Pour réaliser son projet, il rencontre cet homme, un jeune patron d'Aulois, petit-fils du créateur de cette entreprise, spécialiste de la pièce métallique depuis 1945. Une opportunité pour cette société d'une trentaine de salariés, confinés jusque-là à exécuter des commandes en sous-traitance. Et aujourd'hui, avec ce projet et Pierre, on a l'opportunité peut-être de passer le pas pour arriver à commercialiser un produit fini. Donc c'est effectivement, si ce projet aboutit, ça sera la première fois qu'on commercialisera un produit fini chez Paro. Restait à trouver le troisième homme pour élaborer la caisse du jeu. La rencontre aura lieu en Haute-Saône, dans cette entreprise d'une dizaine de salariés, spécialistes de l'ameublement des hôtels et restaurants. Parce que moi, je suis assez fan des projets nouveaux. Le fait que ça se passe avec des gens très très sympas comme Pierre Duc et comme Jocelyn Parot. Le contact avec Pierre Duc et l'idée révolutionnaire un peu du projet m'a vraiment séduit tout de suite. Le projet prévoit une centaine d'unités la première année pour un marché de 7500 clients. Un démarrage en douceur avant d'enchaîner les buts en vitesse de croisière. C'est en effet très impressionnant, mon cher docteur, que ces images, nous, on a eu la chance de voir les images dans le studio. C'est un fort bel objet que ce jet foot, donc qui était un baby foot évolué. En plus, je me permets de souligner le fort bel habillage musical de ce petit reportage avec le regretté et tout récemment disparu Michel Delpech. Coach. Oui, alors, personnellement, je pense qu'au niveau du design, peut-être qu'il y a encore un peu de travail à faire. Mais, toujours quelque chose à dire, ce coach, là, vraiment. Parce que là, ça sent un petit peu quand même le vintage, hein, un petit peu dans son aspect. Mais en tout cas, le fait de pouvoir finalement jouer aussi dans la hauteur, dans le rebond, et de faire des contrôles, des jongles, etc., et du jeu de tête, est assez intéressant. Ah mais c'est évidemment, mon cher coach, je vous trouve un peu dubitatif, puisqu'on est quand même dans le cadre d'un formidable alliage entre le fer et le bois, et on est vraiment au cœur de la Franche-Comté, puisque là c'est tous les départements quasiment de la Franche-Comté qui sont à l'honneur, plus cet esprit avant-gardiste de cet ami Pierre Duc, qui fait que vraiment, à mon avis, on est capable d'inventer un nouveau baby-foot. C'est-à-dire un baby-foot qui ne serait plus seulement un baby-foot finalement au sol, puisque le baby-foot est actuellement extrêmement ancré dans le sol et sur son tapis. Mais là, vraiment, avec ce baby-foot-là, eh bien, c'est vrai que cette dimension-là, on change de dimension. Et comme j'espérais, mon cher coach, vous qui ne connaissiez pas encore le jet foot, que vous seriez beaucoup plus dithyrambique. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Ouais, j'ai hâte, au contraire, j'ai hâte de l'essayer. Je ne sais pas si vos spécialités d'attaque, jeu de jambes, passement de jambes, passe à l'arrière, etc., coach, feront merveille avec ce jet foot. Mais en tout cas, effectivement, j'ai hâte de vous voir avec cet objet en main. Est-ce que vous voulez des nouvelles, chers amis, de ce match qui nous occupait ce soir, qui voyait s'affronter Metz et Sochaux? Oui, je vois que vous voulez des nouvelles. Oui. Parlez-nous un peu plus en longueur de ce Metz Sochaux. Ce Metz Sochaux qui, il y a quelques années encore, les années des pépés flingueurs, Sylvain Castendutch et autres grands joueurs de Sochaux de l'autre côté, dont on se souvient plus beaucoup. Mais en tout cas, il y a eu des grands matchs entre Metz et Sochaux, hein, dans la première division de football. Et bien ce soir... Les Franck Sauzet et des Stéphane Paille. Bah, par exemple. Ce soir, contre toute attente, souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure, à la 60e minute, 0-0, Sochaux était en supériorité numérique puisqu'il y avait un expulsé du côté de Metz. Eh bien, ça n'a pas empêché Metz d'ouvrir le score à la 75e minute, pardon, par l'honorable Caboret, qui n'est pas Charles Caboret, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et fameux Burkinabé. Mais un homonyme, peut-être un membre de la famille. En tout cas, ce n'est pas ce Charles-là qui était rentré en cours de jeu, hein, quelques minutes auparavant, et sur un contre-éclair. Il a été servi en première intention dans l'axe. Il a conclu juste du pied droit au point de pénalty. Voilà. Et on nous dit dans l'oreillette que c'est une ouverture du score somme toute logique, malgré l'infériorité numérique. Sachez que, par ailleurs, pour la suite de ce match, les débats sont équilibrés puisque Anthony Gauthier, l'arbitre de la rencontre, a en fin de match expulsé un Sochalien pour que les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10. C'était tout à fait honorable, mais à 10, les Sochaliens n'ont pas réussi à égaliser non plus. Résultat des courses. Metz met fin à 3 défaites de rang et revient à 1 point du podium, ce qui quand même est à noter. Et par contre les Sochaliens qui ont visiblement manqué d'audace offensivement, hein, ça c'est le reproche qu'on peut leur faire, mais à une équipe en manque de confiance comme Sochaux, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher, surtout jouant à l'extérieur? En tout cas, ils restent 17e et à défaut d'être une saison à oublier, il va peut-être aussi falloir que ce soit une saison à sauver maintenant pour les FC Sochaux et éviter la terrible relégation en nationale qui verrait peut-être en plus la terrible fuite des capitaux chinois, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, Sochaux est bien mal en point et c'est pas cette soirée à Saint-Symphorien qui a arrangé les choses. Le jet foot, on l'a vu, faisait la jonction tout à fait parfaite entre la Franche-Comté et le football de table, autrement dit le baby foot. Qu'est-ce qu'on peut dire pour lancer maintenant vraiment le sujet Babyfoot, mon cher docteur ? Annoncez-nous un petit peu le sommaire de cette fin d'émission. Bah, on pourrait faire un saut de l'ange, par exemple, pour changer d'échelle, finalement, et passer d'un grand terrain vert à un tout petit terrain vert. Il a fallu raconter une histoire. Quand le gardien a fait chanter la grille de ton caveau nabé de brouillard, alors je me suis avancé sans bruit. Une légende, mais un être dont la seule beauté étoufferait l'éclair de l'orage, les épées du soleil. Réveille-toi, je veux que mon envie dépoussière ton hymen à grands coups de tendresse, qu'il oublie sur ta peau l'ombre de mes désirs. Réveille-toi, j'entame un long chorus de liquide vagabond sur ta chair musique. Non, non, non, je ne crois plus en ce coma éternel, tombé comme un satyre, détonnant le plaisir que tu avais de vivre. Réveille-toi, écarte tes paupières, je veux revoir tes pleurs me parler d'une joie que nous avons perdue. Réveille-toi. Nous écoutons dans ce débattons d'Anguirou spécial Franche-Comté et Babyfoot le fameux Ange avec ce titre Réveille-toi. Ange, coach, vous nous confirmez qu'il est bien franc-comtois. Oui, c'est un groupe même haussonnois d'origine. Parce que c'est un groupe qui en fait existe quand même depuis la fin des années 60, donc était beaucoup remanié avec les années. Mais à l'origine, voilà, il était. Ses composantes étaient de Héricourt, Vesoul et Gris. En Haute-Saône. On s'en remet quelques petites secondes, hein. Mais je coupe pas les micros, comme ça vous pouvez peut-être chanter sur cette chanson et intervenir comme bon vous semble. S'allume d'une rivière de diamants, comment penser feuille ton automne. Je suis venu déborder ton sentiment. C'est un groupe que je recommande à tous et à toutes, un groupe de rock progressif avec une influence médiévale, poétique et très théâtre aussi. Et bah c'était Ange dans Débattons d'Anguirou, Franche-Comté et Babyfoot. Le Babyfoot, c'est votre domaine, mon cher docteur. Je vous laisse avancer maintenant sur ce sujet. Eh bien, merci mon cher Manuel. Oh là là, j'ai été ravi de découvrir ce groupe que je ne connaissais point. Ce groupe, donc visiblement nommé Ange, et qui m'a vraiment fait plaisir. Je remercie le coach, non pas uniquement pour sa saucisse et son verbe altier, mais aussi pour m'avoir fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. En ce jour, en cette semaine quasiment de deuil musical, je vous propose d'écouter, pour faire cette transition et initier les non-initiés, un petit lexique du baby-foot en 10 termes. Sport majeur de la seconde partie du XXe siècle, le baby-foot n'en reste néanmoins pas hermétique à un large public encore profane, qui, faute d'éducation, se borne à hasarder un coup d'œil furtif à la table de jeu à chacune de ses allées et venues au GOG. Le baby est en effet généralement situé à proximité des latrines. Mais pour le connaisseur, arc-bouté sur sa machine, ce regard en dit souvent long sur les frustrations intériorisées par ses non-initiés. Le petit lexique que vous aurez le bonheur d'entendre ce soir vous permettra peut-être de mieux saisir le vocabulaire spécifique dont usent les praticiens de ce noble art à quatre pattes, et ainsi, qui sait, de vous attarder un peu plus longuement sur les plaisirs d'un sport dont le principal mérite est de détourner le consommateur des devises les plus fréquemment constatées dans ces lieux de perdition, j'ai nommé l'alcool et le tabac. Demi. Étonnante corrélation, me direz-vous, entre le verre de bière de 25 centilitres et ce vocable largement entendu, si ce n'est vociféré, autour de la table de baby. Encore faut-il préciser que plus le niveau des participants s'élève, moins il est fait usage de ce terme réducteur. En effet, est considéré comme demi un but venant des joueurs de la barre du milieu, au nombre de 5. Si le geste est illicite, la sanction peut paraître étonnamment clémente, puisque ce manque de maîtrise n'est assorti que d'un doublement de l'enjeu de la balle suivante, à savoir le prochain qui l'envoie au fond marque de but. On comprendra dès lors que certains joueurs particulièrement médiocres n'hésitent pas à multiplier les demi, espérant valider une véritable marque du score par l'entremise divine d'un but digne de ce nom. Fanny est empruntée à la pétanque et à l'expression provençale « embrasser Fanny », c'est-à-dire baiser la croupe d'une figure féminine fantasmée lors d'une défaite sans marquer le moindre point. Au baby-foot, deux possibilités s'offrent à l'équipe ou aux joueurs ainsi défaits. Réservée aux moins orgueilleux, Fanny sous le baby consiste à tenter un impossible limbo sous la table quand Fanny au bar contraint l'humilié à délecter son vainqueur d'un précieux nectar. Gagne. Sport rugueux, de mâles échanges, d'honneurs meurtris, le baby-foot répond néanmoins à un rituel précis. Hors tournoi, c'est-à-dire bien heureusement tous les jours que Bonzimini, c'est-à-dire Dieu, fait, la succession des parties s'effectue selon la règle dite de la gagne. Le joueur ou l'équipe souhaitant participer pose une pièce dans une encoche prévue à cet effet, bien visible car à proximité de la barre du boulier servant à marquer le score. Il en résulte qu'en cas d'affluence, les mauvais ne parviennent jamais à s'affronter, donc à jouer avec des personnages sympathiques. D'où le terrible nivellement par le haut, parfois reproché à ce sport de véritable champion. Gamelle ! On dit qu'il y a gamelle lorsque la balle ressort après avoir franchi la ligne de but. Le phénomène, est généralement assorti d'un bruit caractéristique et prête rarement à discussion. Ce coup permet d'enlever un point à son adversaire, voire d'en marquer un en su, selon les règles en cours. Véritable bouchon de champagne d'une bonne partie de baby, la gamelle est aussi un écueil pour ceux qui souhaitent marquer leur adversaire au fer rouge. Elle est ainsi fréquemment annoncée par des joueurs en délicatesse avec leur trio d'attaquants pour justifier leur inefficacité offensive. La gamelle régale rarement les coyotes affamés. Pêche. La pêche est un art difficile qui consiste à aller chercher la balle dans le but de l'adversaire, lui ôtant par là même un point, ou même dans son propre but pour annuler ce même point. Là encore, certains participants s'échinent à partir à la pêche, délaissant par trop rapidement leur poignet et irritant ainsi l'ensemble des aficionados assistant à la partie. Le baby-foot ne souffrant point l'arrogance, les présomptueux sont alors châtiés par de déchirants coups de gardien dans leurs mains trop baladeuses. La foule acquiesce alors par des vivas. Pièce, le baby est un jeu d'argent. Le taulier fixe ainsi le prix de la partie dans un habile souci d'équilibre financier ou business plan qui doit lui permettre de rentabiliser son investissement de départ qui peut avoisiner le million d'euros sans non plus mettre en péril la nature nécessairement multiple de son établissement. Les attroupements trop prononcés autour de la table peuvent constituer une gêne pour les autres consommateurs, sans compter de la masculinité parfois prononcée des participants. A contrario, les babys n'ayant trouvé leur public sont irrémédiablement remplacés par des divans confortables, autrement dit quartier VIP. On le comprendra à l'écoute de cet article, la beauté du jeu souffre une nouvelle fois de logique financière intrinsèque et sous-jacente extrêmement prégnante. Pie VII est un pape italien qui a baissé sa culotte devant Napoléon. En référence à ce peu glorieux épisode de l'histoire pontificale, la piscette est considérée comme un crime. L'auteur d'une piscette est ainsi voué aux gémonies. La législation en vigueur se dispense même de mentionner une quelconque pénalité à l'encontre de l'auteur de cet acte infamant. Pourtant, ce sacrilège qu'est la piscette vous tend les bras, tant il est facile de marquer avec son attaquant latéral droit lorsque le gardien et les deux défenseurs adverses sont eux maintenus à fond à gauche. On peut d'ailleurs s'étonner de l'absence de symétrie de la mesure. Certains y répondent par un procédé plus que discutable, dit « fausse piscette », qui consiste à faire tirer son attaquant central lorsque la défense se met en position de piscette. Suivez mon regard, Manuel. Poignée, à l'instar de la balle, qui peut être dure ou molle, autrement dit en plâtre ou en liège, les poignées sont un fréquent alibi dont usent et abusent les piètres pratiquants qui, il faut bien l'avouer, foisonnent autour de la table de jeu. Elles peuvent en effet être de deux types, ronde ou longue, et l'on ne surprendra personne en rappelant qu'au final, peu importe la poignée puisqu'il s'agit d'incriminer systématiquement les glissements dus à une prise par trop humidifiée par des paumes suintantes. Certaines stars du baby en viennent ainsi à utiliser des gants, procédé bien sûr, je le suppose, unanimement condamné au sein de ce studio, vigilant à la glorieuse beauté du sport, un sport d'ailleurs qui ne nécessite pour ainsi dire aucun autre équipement, que sa bite et son couteau. Râteau, parfois qualifié de sac, le râteau sanctionne un manque de maîtrise de ses propres milieux de terrain lorsqu'il dévie une passe des milieux pour les attaquants adverses. L'assentiment à la règle du râteau ou du sac vient donc couronner les parties de qualité ou les joueurs prétendant à une certaine maîtrise du jeu. Dans la plupart des cas, les participants vaniteux assument mal ces difficultés et le jeu en devient haché. Roulette. La roulette n'est pas sanctionnée. Il s'agit pourtant d'une faute morale, puisque celui qui commet cet acte désespéré n'a en effet, en général, plus rien à gagner. Surtout, en lâchant même momentanément la barre, il s'extrait du contrat social implicitement signé par ces hommes, échangeant symboliquement une fraternelle poignée de main. Merci, merci cher docteur. Que répondre, que dire après cette chronique? Certains d'entre nous sont un peu égratignés. Je trouve, quand on parle de baby-foot, on peut aussi, et c'est pas Magic qui me détromperait, parler de roublardise. On est bien obligé parfois d'user de roublardise et de toutes les failles de ce beau jeu qu'est le baby-foot. Et je considère, moi, par exemple, que la fausse piscette qui, contrairement à ce que vous décriviez, ou alors j'ai mal compris, consiste à faire tirer son attaquant central en venant de la droite. C'est ce que vous avez dit. Il consiste à immobiliser les joueurs, c'est-à-dire les joueurs adverses, c'est-à-dire le défenseur et le goal en position de piscette, à les menacer avec son attaquant central et à tenter un passage entre les deux. Tout à fait, avec l'attaquant en droite. Avec l'attaquant central. Ah bah alors là, dans ce cas-là, c'est légitime. C'est légitime. La règle valide, bien sûr. Il s'agit d'un centre, du coup, de l'attaquant droit vers l'attaquant central. Et ainsi, un but tout à fait valide qui ne souffre d'aucune discussion possible, ni même d'une discussion d'éthique. On pourrait poser la question, coach. Bah, c'est-à-dire que normalement, avec le gardien et le défenseur qui sont inclinés, normalement, l'attaquant du milieu ne peut pas passer. Je crois aussi. Non, moi, je pense sauf si on fait une petite feinte qui fait que le défenseur et le gardien, c'est-à-dire l'adversaire, a tout d'un coup une sorte de petit sursaut comme ça, et on profite de ce sursaut, mais le baby-foot n'est-il pas qu'un sport, de feinte, de rapidité, de savoir-faire, de glissade? Il s'agit quand même à un moment donné de tirer dans les trous. Je vous remercie, coach Luc. Moi, il me semblait effectivement que la fausse piscette considérait à faire croire qu'on allait centrer et puis non, et marquer avec l'attaquant droit qui n'est pas censé le faire si les défenseurs sont bloqués à fond à gauche. Et effectivement, je me livre parfois, parce qu'il faut bien admettre par ailleurs mon manque de technique en attaque, à ce geste un peu, il est vrai, roublard, mais en aucun cas illicite. Alors je trouve tout de même que vous excusez quand même un peu vite, un peu facilement votre vice naturel, mon cher Manuel. Je ne l'excuse pas, je l'explique, tout simplement. J'explique compenser un manque de technique par peut-être un surplus de vis. Et finalement, le baby-foot n'est-il pas le sport où chacun peut jouer avec ses armes et face à une technique si chèrement aguerrie durant votre service militaire en Franche-Comté, coach, je dois bien, moi aussi, trouver mes propres armes. Vous dites qu'en fait, il faut bricoler. Hein. Compenser, c'est bricoler. Et bricoler, c'est donc mettre du vis. Du vis Presley. Alors, ce n'est pas Elvis Presley qui nous a quittés récemment, mais j'aime à penser que si David Bowie était français, il aurait été franc-comtois et probablement un grand joueur de baby-foot. Qu'en pensez-vous, chers amis? D'ailleurs, je pense qu'en fait, David Bowie est franc-comtois. Mm. Ça fait partie de cette zone de Franche-Comté hein, qu'on peut trouver en Angleterre, mais qui appartient finalement à ce peuple. J'avoue que le baby-foot est un espace, effectivement, comme le bar, puisque c'est la prolongation du bar, comme je le disais, un espace quand même très testostéroné, où peut-être, hélas, sévissent parfois des formes de discrimination. Et peut-être que David Bowie n'aurait pas forcément trouvé sa place naturelle, puisqu'il faut bien avouer que le baby-foot est aussi un sport où il faut travailler. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'au baby-foot, le talent soit un moteur vraiment formidable, puisque c'est un sport finalement où... Excusez-moi d'utiliser une nouvelle fois le terme finalement, vocable surutilisé durant cette émission, comme je le faisais remarquer au coach Luc. Mais le baby-foot n'est pas un espace si ouvert qu'il y paraît. Et je ne suis pas sûr que David Bowie aurait succédé, comme on dit en anglais, dans cet art-là. Alors, moi, personnellement, je m'oppose un petit peu à cette idée. C'est que je pense que dans le baby-foot, il y a deux choses. Il y a ceux qui gagnent et qui, donc, effectivement, ont un répertoire de coups hyper efficace, mais sans doute assez limité. Et il y a, d'un autre côté, les dandys. Hein, ceux qui nous font rêver avec des chorégraphies à ne plus savoir où se donner de la tête, ceux qui nous donnent le tournis. Et je pense que peut-être David Bowie aurait été un de ces dandys, certes un dandy qui aurait sans doute perdu hein, face aux brutes, mais malgré tout qui aurait fait son effet, je pense, autour de la table. Oui, je voulais, moi juste parce que c'était à votre demande, passer quelques secondes de David Bowie. Il avait écrit il y a quelques années une chanson en notre honneur, en l'honneur du dispositif des bâtons d'Anguirou. Et voilà, on vous en passe quelques secondes avant de conclure sur cette émission et sur le baby-foot. On a encore beaucoup de choses à se dire. David Bowie, donc, en l'honneur des bâtons d'Anguirou, et des bâtons d'Anguirou en l'honneur de David Bowie. On continue sur le baby-foot avec un invité téléphonique. Je ne sais pas s'il nous entend. Est-ce que vous nous entendez, mon cher magnifique Redouane? Oui, je vous entends. Ah. Comment vous portez-vous? Bonsoir à tout le monde. Très bien, merci. Alors, vous n'avez pas pu vous empêcher, bien sûr, dans cette spéciale Franche-Comté, de passer un coup de fil au dispositif des bâtons d'Anguirou, j'imagine, pour... amener un petit peu votre pierre à l'édifice. Qu'avez-vous d'abord pensé, cher Redouane, de ce match qui opposait ce soir Metz à Sochaux? J'imagine que vous êtes un peu triste. Ouais, je suis carrément scandalisé. Une équipe de Sochaux qui n'arrive pas à montrer un visage décent cette année. Et voilà quoi. C'est la Ligue 2 et ça a une odeur un petit peu nationale. Et voilà, donc ça me fend le cœur. Alors, que pensez-vous de Monsieur Lee ? Ça va m'écorcher un petit peu de vous le dire et de l'avouer comme ça à l'antenne, mais je regrette la famille Peugeot et les usines Peugeot qui s'occupaient bien du club et qui avaient une histoire à cœur avec une grande histoire du début du siècle avec ce club, cette ville et cette région. Mon cher Edouane, je crois que c'est vous, oui. Il Magnifico. Moi, je sens effectivement en vous la Franche-Comté. Je ne la sens pas d'une manière olfactive. Hein. Bien sûr, la Concoyotte nous sépare malgré ce formidable chanteur qui est Hubert Félix Thiéphaine. Mais j'ai envie quand même de vous poser quelques questions puisque, comme je le rappelais en début d'émission, comme je l'évoquais en début d'émission, j'ai assisté de votre part à un but formidable. Un but formidable et j'aimerais bien que vous nous livriez ce soir le secret de ce but du gardien. Au baby-foot, hein. Au baby-foot, on parle, hein, ah, bien sûr. Ah, baby-foot, là j'ai... Ok. But du gardien, bah, c'est très simple, hein. C'est un claquement de la balle avec un mouvement inversé de la manette contre la bande. Et voilà, c'est implacable. Et ça, c'est avec le joueur et avec le gardien. Du coup, j'ai tenté de faire un lob. Donc un petit coup sur la structure, sur le terrain du baby. Donc la petite plaque verte, là. Un petit coup de poing dessus et on fait sauter la balle avec le gardien. Et quand ça marche, ça fait un lob. Et moi, j'ai eu de la chance, ça fait une gamelle. Donc, vous avez assisté à un miracle, en fait, tout simplement. Ah, c'était formidable. Et alors, gamelle de l'arrière, on dit plus 2, moins 2. Hein, c'est ça le résultat ou c'est seulement plus 1, moins 1 ? Bah, ça dépend des écoles. Pour moi, c'est plus 1. Parce que moi, ce qui m'a quand même pas mal interloqué, c'est la réaction du coach Luc, qui, lui aussi, franc-comtois d'origine, quand vous décriviez finalement cette affaire-là, a tout de suite compris. Hein, il n'y a pas eu de problème pour lui. Donc, est-ce que ce serait une spécialité franc-comtoise que ce tir-là ? Où l'avez-vous appris, par exemple ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce formidable tir ? Ben, moi, c'est très simple. Je l'ai appris, j'étais en première, donc j'avais 15 ans. Au lycée Louis Aragon. Donc juste en face, j'étais scolarisé là-bas, et juste en face, il y avait un challenger où pendant l'heure d'études, on pouvait sortir et faire une heure de baby-foot. Donc voilà, on se tuait au baby-foot à l'époque avec des pièces de 2 francs. Donc je sais même pas ce que ça représente aujourd'hui en euros, mais voilà, donc on a pu passer du temps à faire ça, et en admirant des joueurs plus techniques que moi, j'ai pu reproduire des gestes comme ça. Voilà, il y a cette bande-là, il y a les bandes à l'avant, moi, que j'apprécie tout particulièrement. Il y a des beaux gestes au baby-foot, c'est sympa. Lycée Louis-Aragon, de quelle ville ? Oui, pardon, coach, on avait la même question. Héricourt, j'ai pas précisé. Non, donc Héricourt, en Haute-Saône, c'est à la périphérie. Savez-vous, mon cher Edouane, que c'est le fief du coach Luc ? Toute ma famille est née Héricourt, sauf moi. Pour une raison de sage-femme à la retraite, je suis né à Montbéliard, mais toute ma famille est née Héricourt. J'ai même passé les 3 premières années de ma vie à Héricourt avant qu'on déménage. Et c'est mon terroir. Et donc vous avez appris, coach Luc et Redouane, finalement le baby-foot dans le même terroir. Je crois plus ou moins. Hein. Moi, avant d'aller à Bonal pour regarder un match de Sochaux, il y avait un rituel avec les collègues. C'était d'aller dans un café pas très loin. Je me rappelle plus trop du nom du café, ça fait trop longtemps. Mais il y avait une petite partie de baby-foot avant le match. Et après le match. Alors formidable. Quand est-ce qu'on va pouvoir composer cette doublette franc-comtoise au Mungi, le bar de la rue Consola, qui nous accueille assez régulièrement avec un chouette bar qu'on peut saluer d'ailleurs, qui nous accueille plutôt bien avec un baby-foot gratuit, ce qui est à mentionner quand même et ce qui est très très rare. C'est le seul côté positif au niveau financier. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il ne paye pas beaucoup de coûts au Mungi, et ça, il faudra quand même le souligner. On le souligne amicalement, parce que peut-être que c'est quelque chose qui peut se corriger dans le futur. Alors, Redouane, est-ce que vous seriez d'accord pour, avec coach, composer une doublette franc-comtoise ? Le coach est un arrière formidable, vous l'avez démontré vous aussi, et tous les deux en attaque, vous avez l'air d'avoir des aptitudes aussi assez spectaculaires. Je crois que ce serait une belle doublette. Ouais, ben moi je pense qu'il faut se donner rendez-vous. Alors quand est-ce que, coach, quel soir de la semaine à venir vous pouvez vous déplacer au Mungi Alors, pas le mardi parce que j'ai finalement un copain qui a bien voulu accepter à jouer au futsal avec moi demain. Donc j'ai un emploi du temps un petit peu chargé là. mercredi, c'est possible. Mercredi soir, est-ce que c'est possible? Mercredi, c'est possible. Pas vendredi, je pense que ça sera pas possible dans tous les cas. Vous voudriez affronter une doublette des Marais? Parce que moi je suis prêt à jouer. Ouais, une doublette de l'Ouest, c'est préférable. Bah, une doublette de l'Ouest qui pourrait peut-être un petit peu vous. Alors, doublette vendéenne, on va pas avoir ça sous la main. C'est un peu les mystères de l'Ouest, hein, avec Jim West et comment s'appelait-il, Douglas Gordon. Artemis Gordon. Ouais. Artemis Gordon. Voilà. Bah écoutez, on prend rendez-vous, mon cher Redouane, pour mercredi soir 21h au Mungi. Ou 17h. Bah non, pas 17h pour ma part. Non, pas 17h. Ce sera plutôt 21h. Le doc va s'organiser dans son emploi du temps. Jeudi, donc. Alors, jeudi soir, ça a changé, ça vient de changer. Jeudi ou mercredi, comme vous le souhaitez, mon cher Redouane. Bah, comme vous le souhaitez, ce que vous préférez. On verra, on dispose dorénavant du numéro secret du Magnifico. Voilà. Numéro difficile à tenir et d'ailleurs, difficile à joindre. D'ailleurs, vous pouvez, chères auditrices, joindre Redouane au 06. Non, on ne va pas le faire, évidemment. Une blague à la Nagui. Redouane, on vous salue, on vous souhaite une bonne nuit dorénavant. Avant et on vous remercie d'avoir bien voulu intervenir dans ce débaton d'Anguirou, Franche-Comté et Babyfoot. À quand une venue en studio? C'est pareil, on va essayer d'organiser ça. On a tous très envie de vous revoir aux commentaires. Il faut faire ça une semaine sur deux. Là, ce soir, je suis babysitting. Ouais. Donc, écoutez, la semaine prochaine. Alors, vous êtes libre, par exemple, les semaines 1 et 3, alors que nous, c'est plutôt les semaines 2 et 4 des mois. Donc, bon, on trouvera une solution, on va s'organiser, les auditeurs vous réclament, et on aimerait bien, nous aussi, vous avoir à nos côtés. On vous salue, Redouane, on vous souhaite une très belle nuit. Ciao. Merci beaucoup, bonne soirée. Salut, ciao. Salut. On va se quitter, chers amis, on va conclure sur cette histoire de Babyfoot. Qu'est-ce qu'on a à dire pour terminer, mon cher docteur? On avait, c'est vrai, quelques thématiques dans la besace, notamment celle finalement des diversités régionales du baby-foot. Redouane pour en parler plus longuement une autre fois peut-être. Il y avait forcément cette histoire du Liège et du plâtre, hein, chose qui nous intéresse toujours puisqu'il y a deux balles différentes. En Franche-Comté, on joue plutôt avec des balles en liège ou des balles dures, comme on les appelle ici. Plutôt des balles molles, oui. Des balles molles, comme dans l'Ouest, il me semble, hein, mon cher docteur. Oui, exactement. Dans l'Ouest, d'ailleurs, vous m'aviez demandé d'intervenir sur le berceau du baby-foot que composait la belle ville de Nantes. Oui. Pas grand-chose à en dire, hein, finalement. Sinon que Nantes accueille en ce moment même la Fédération française. Oui. Les bureaux de la Fédération française de baby-foot, il me semble. Et la Fédération internationale. Et la Fédération internationale. Que Nantes a accueilli les premières Coupes du Monde de baby-foot, c'est à souligner. Et que Nantes est un des clubs haut placés, on va dire, du championnat de France de baby-foot. Je crois qu'il y a deux types de classements dans la Ligue française de baby-foot. Il doit y avoir un classement par points qui est permanent. Où Nantes serait deuxième derrière Toulouse, et puis il y a un classement par saison avec un système de poules, de finales, etc. Et là, il faut bien reconnaître que l'an passé, je crois que je ne sais pas qui a gagné, hein, mais il y avait du Issy les Moulineaux ou des trucs comme ça qui ont dû bien figurer dans ce championnat de France. En tout cas, c'était une fort belle émission consacrée à la Franche-Comté et au baby-foot, qu'on appelle football de table, alors que je crois que le Subutéo dispute aussi cette terminologie au baby-foot. Hein. Il faudra peut-être se pencher un peu sur le sujet une fois prochaine. On va se quitter en musique de nouveau avec une sélection du coach. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, coach, pour finir cette émission? Alors, c'est un duo de musique électro composé d'adolescents, hein, qui ont commencé leur carrière plutôt très très jeune, hein, puisque le garçon avait 12 ans, je crois, pour leur premier titre, qui sont originaires de Grès, qui vivent aujourd'hui à Besançon et qui est un groupe que mes neveux qui vivent à Besançon aiment beaucoup. Donc voilà, je le dédicace à mes neveux de Besançon. Ce groupe s'appelle donc Carbone, Carbone et Airways. Airways. On va écouter le morceau EBC 45 ou ABC 45. Je vous salue, chers amis, docteur coach. Oui, l'occasion de vous annoncer très probablement que lors de la prochaine émission, nous allons parler du point de vue, le point de vue footballistique, notamment à travers sa filmographie, sa mise en scène, et peut-être avec un formidable réalisateur, metteur en scène, qu'on appelle Pascal Houx, peut-être avec d'autres réalisateurs, metteurs en scène, ça on verra, monteurs, voire, on verra. D'autres techniciens du 7e art. D'autres techniciens du 7e art. C'est parfait, voilà. On se quitte donc en musique. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Radio Galère.